en priant Dieu qu'il fît du vent. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Guémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet, il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. J'espère que vous avez passé un très bon week-end, que vous êtes en forme pour commencer cette nouvelle semaine. Et en ce lundi 15 octobre, nous souhaitons une bonne fête aux Thérèses en l'honneur de Thérèse d'Avila. Ça vient du grec signifiant qui récolte. Émotive et affective, Thérèse possède un certain magnétisme. Le sentiment prend une grande place dans son existence au point qu'elle vit le plus souvent en fonction de ses coups de cœur. Elle n'est pleinement comblée ou heureuse que lorsqu'elle aime ou se passionne pour quelqu'un ou pour quelque chose, ou lorsqu'elle se sent utile. Timide, tendre et réservée, elle n'aime pas véritablement se mettre en avant. Elle est tout à l'écoute des autres, sociable, ouverte et conciliante, souriante et gracieuse. C'est une amie remarquable qui a l'art de vous réconforter lorsque vous êtes en peine en trouvant les mots ou les gestes qu'il faut. Thérèse est une intuitive qui a de la finesse, du tact, de la diplomatie et qui, pacifique, recherche avant tout l'harmonie. Toutefois, ne vous fiez pas à son apparence douce et soumise. Thérèse peut se transformer en véritable tigresse si elle vous prend en flagrant délit de bassesse, d'agressivité ou de mensonge, ce qu'elle déteste plus que tout. Son émotivité lui fait sans doute amplifier les situations, ce qui peut révéler un côté colérique. Thérèse est une femme directe et franche qui apprécie les situations claires et les rapports nets. Elle est courageuse, active, entreprenante et sait saisir les opportunités qui s'offrent à elle. Elle possède en effet le sens des réalités matérielles et du concret, se révèle parfaitement apte à assumer des responsabilités familiales ou professionnelles. Elle est dévouée et éprouve beaucoup de plaisir à rendre service, ce qui comble tout à la fois son sens de l'humain et son besoin de commandement. Tout en étant souple et tolérante, elle n'en demeure pas moins obstinée. Elle pense a priori avoir raison et tente à imposer ses vues fermement. Une main de fer dans un gant de velours, voilà Thérèse au sourire si doux. Dicton du jour, souvent sainte Thérèse nous apporte un petit été, mais surtout jardinier ne va pas te désespérer. Habillé. Célébration internationale. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la canne blanche, c'est la journée mondiale du lavage des mains et la journée internationale de la femme rurale. Pas d'événements marquants qui se sont déroulés un 15 octobre. On va donc tout de suite marquer une première pause musicale avec les Jackson 5 et leur titre ABC. Les Jackson 5 sur RGM, un peu plus de 8h36, on est toujours dans la matinale et on va parler anniversaire. Ils sont nés un 15 octobre 1953, naissance de Tito Jackson, chanteur américain qui a fait partie des Jackson 5. 1959, naissance de Sarah Ferguson, ancienne duchesse d'York, hein, de 1986 à 1996. Elle a été l'épouse du prince Andrew, le second fils de la reine Elisabeth II, et à ce titre, elle est donc ancienne Altesse royale du Royaume-Uni. On a parlé d'elle ce week-end puisque l'une de ses filles s'est mariée. 1968, naissance de Didier Deschamps, ancien footballeur français reconverti en tant qu'entraîneur. Il a été joueur de 1985 à 2001 en jouant à Nantes, à Marseille, club avec lequel il a remporté la Ligue des Champions en 93 et deux titres de champion de France en 90 et 92. Il a également joué à Bordeaux, à la Juventus, avec laquelle il a fait 4 finales européennes consécutives, remportant la Ligue des Champions 96 ainsi que 3 Serie A 95, 97 et 98. Il a ensuite joué à Chelsea et enfin à Valence. Il a été entraîneur de 2001 à 2005 de Monaco, club dont on va parler d'ailleurs tout à l'heure dans l'actu sportive, de 2006 à 2007 entraîneur de la Juventus, de 2009 à 2012 de l'Olympique de Marseille, club avec lequel il a été champion de France 2010 et ainsi et aussi vainqueur de 3 coupes de la Ligue. Et depuis 2012, il est le sélectionneur de l'équipe de France. Et Didier Deschamps est depuis peu le 3e footballeur dans l'histoire à avoir gagné la Coupe du Monde comme joueur en 1998, hein, bien sûr, on s'en souvient. Et comme entraîneur en 2018, là aussi, on s'en souvient. 1971, naissance d'Andrew Cole. Avant, il se faisait appeler Andy Cole, footballeur anglais qui a fait carrière de 1989 à 2008 en évoluant que dans des clubs anglais. À Arsenal, à Fulham, à Bristol City, à Newcastle United, Manchester United, Blackburn Rovers, Fulham, Manchester City, Portsmouth, Birmingham City, Sunderland, Burnley et enfin Nottingham. 1977, naissance de Xavier Delarue, ancien basketteur français qu'on a découvert dans l'émission de télé-réalité Secret Story la première saison. Il s'est reconverti maintenant en tant qu'acteur et on peut le voir depuis quelques temps dans la série Les Mystères de l'Amour dans le rôle d'Antoine Vallès alias Tony Vargas et depuis peu il joue le rôle de Bruno Vallès, le frère jumeau d'Antoine Vallès, soi-disant. Pas de spoiler bien évidemment. C'est également l'année de naissance de David Trezeguet, ancien footballeur français ayant fait carrière de 1994 à 2014 en jouant au CA Platense, à Monaco, à la Juventus de Turin, au club d'Hercules Alicante, au club de Banayas SC, au River Plate, à Newell's Old Boys, à Pune City, champion du monde 98, champion d'Europe 2000. On s'en souvient, il a d'ailleurs marqué le but en or en finale avec l'équipe de France, un surnommé Trezeguet. Il est le 3e meilleur buteur en sélection nationale avec 34 buts, juste devant Olivier Giroud, avec 32 buts. 1980, naissance de Tom Boonen, ancien coureur cycliste belge qui a gagné 4 fois Paris-Roubaix, 3 fois le Tour des Flandres, a remporté le maillot vert du Tour de France 2007, a été champion du monde 2005, champion du monde du contre-la-montre par équipe en 2012, champion de Belgique sur route en 2009 et 2012. Il a remporté 8 étapes sur les grands tours, 6 sur le Tour de France et 2 sur le Tour d'Espagne. 1988, naissance de Mesut Özil, footballeur allemand qui de 2006 à 2008 a joué au club de Schalke 04, de 2008 à 2010 au Werder de Brême, de 2010 à 2013 au Real Madrid et depuis 2013 il joue à Arsenal. 1995, naissance de Louis Duneton, acteur français qui de 2012 à 2014 a joué le rôle de Valentin Nebout dans la série à succès Plus belle la vie. En 1934, décédé Raymond Poincaré, homme politique, avocat, journaliste français qui fut président de la République française de 1913 à 1920. Et en 1986, décédée Jacqueline Roch, épouse et égérie de Pablo Picasso. Allez, nouvelle pause musicale. Il a fêté son anniversaire ce week-end. On écoute Slimane avec le titre « Viens, on s'aime ». Ils pourront tout nous enlever, à contresens pour qu'on se vautre. Ils pourront nous raconter qu'on a eu tort, qu'on s'est trompé. Ils pourront pointer du doigt, pointer l'amour coupable de quoi. Viens, on s'aime. Viens, on s'aime. Belle. Priez pour qu'on abandonne, qu'il y ait une nouvelle donne. Ils pourront bien nous avoir, le temps d'un doute, le temps d'un soir. Mais après la peine et les cris, sèche les larmes qui font la pluie. Viens, on s'aime. Viens, on s'aime. Allez, viens. Avec le titre Viens on s'aime sur le 107FM, un peu plus de 8h44 et il est temps pour nous eh bien, de faire un point complet sur la météo. La météo. Eh bien, on va passer encore la journée sous le soleil. On ne s'en lasse pas, décidément. Des températures comprises entre 9 et 10 degrés ce matin. Elles seront comprises entre 23 et 25 degrés pour cet après-midi. Pour mardi, journée ensoleillée. Des températures comprises entre 8 et 9 degrés le matin. Entre 21 et 23 degrés pour demain après-midi. Mercredi, très belle journée ensoleillée également. Des températures comprises entre 8 et 9 degrés le matin. Entre 21 et 23 degrés. Et toute la semaine devrait ressembler à ces trois prochains jours. Ça fait vraiment du bien. On fait le point de vitamines et nous, on va faire le plein d'actu sportive maintenant. Les résultats sportifs. Allez, on commence avec le football. Beaucoup de choses à dire en ce lundi matin. On va faire d'ailleurs un point tout de suite sur le cinquième tour de la Coupe de France. Que s'est-il passé ce week-end? Eh bien, Épinal s'est qualifié 2-1 à Thionville. Raon-l'Étape s'est qualifié 3-1 à Omécourt. Vanier s'est qualifié 1-0 face au club de Blatzheim. Saint-Dié s'est qualifié 2-1 à Agir-Florival. Thaon-les-Vosges s'est qualifié 3-2 à Creutzwald. finale. À noter l'élimination en revanche de Golbe face à Bischheim. Après les tirs au but, c'est le club alsacien qui s'est imposé 4-1, donc après la séance de tirs au but. On va parler de Thierry Henry, ça y est, c'est officiel. Il est depuis ce week-end le nouveau coach de Monaco. Il a d'ailleurs signé pour 3 ans. On va parler maintenant de Laurent Koscielny qui a confirmé ce week-end sa retraite internationale. Et bleu toujours, Florian Thauvin est blessé. Il souffre d'une douleur au pied droit. Il sera donc forfait pour le match contre l'Allemagne de demain soir en Ligue des Nations. Et il a d'ailleurs été annoncé qu'il ne serait pas remplacé au sein de l'effectif bleu. Et Didier Deschamps n'a pas annoncé bien évidemment la composition de l'équipe de France pour le match contre l'Allemagne. Ça ne lui ressemblerait pas. Mais il a tout de même quand même dévoilé que l'équipe bleue qui affronterait l'Allemagne demain soir ressemblerait beaucoup à celle qui a disputé la Coupe du Monde. Notez qu'il faudra donc quelqu'un pour remplacer Umtiti qui est donc forfait, blessé. Mais sinon, on devrait retrouver les Bleus champions du monde qui ont disputé la finale. Un mot de basket maintenant. Pro B, premier match, première victoire pour le SLUC Nancy, 70-65 face à Quimper. En National 1, la dégringolade continue pour le Jet de Vosges avec une nouvelle défaite face à Saint-Quentin, 65-75. Et en National 3, Mirecourt s'est incliné d'un petit point, 75-76, face au club de Wettbruck. Un mot de hockey sur glace en Détroit. Samedi, à la patinoire de Poisson-Pré, Épinal recevait le club de Fontenay. Poisson-Pré qui a une nouvelle fois fait le plein. Alors, c'était pas plein à craquer, mais il y avait environ 1400 spectateurs venus encourager son équipe d'Épinal qui n'a fait qu'une bouchée du club de Fontenay. Les Spinaliens se sont imposés 29-0. Un mot avec le cyclo-cross maintenant ce week-end. Première manche de Coupe de France. Steve Chenel a terminé 6e. On reste dans le deux roues avec le cyclisme. Le Tour de Lombardie a été remporté par Thibaut Pinot. Et hier, Sylvain Chavanel a disputé la dernière course de sa carrière. Il prend sa retraite. On termine cette actualité avec du tennis à Tianjin. Caroline Garcia a remporté la finale face à Pliskova, 7-6, 6-3. À Shanghai, c'est Novak Djokovic qui s'est imposé en finale face à Coric, 6-3, 6-4. Novak Djokovic qui se rapproche petit à petit de la place de numéro 1 mondial, toujours pour Rafael Nadal, mais peut-être pas d'ici la fin de l'année. Et des nouvelles de Juan Martín Del Potro qui s'est donc blessé à Shanghai. Il souffre malheureusement d'une fracture de la rotule. Alors malheureusement, on n'est pas prêt de le revoir sur les cours. Décidément, il n'a vraiment pas de chance, le joueur argentin. Allez, 4 nouveaux tournois cette semaine. Tout d'abord au Luxembourg. Aujourd'hui, Poncher affrontera Bouchard. Parmentier sera opposé à Golubic. À Stockholm, Julien Beneteau affrontera Gulbis. À Anvers, Lestienne sera opposé à Ivashka et Robert affrontera Greg Spoor et à Moscou, Manarino affrontera Karolowski. Voilà pour l'actualité sportive. On va marquer notre dernière pause musicale avec un chanteur qui a fêté également son anniversaire ce week-end. C'est Gérald De Palmas et le titre « J'en rêve encore ». Je suis presque mort. Quelques mois et c'est bon. Supprimer les traces, la moindre trace, ce qui reste de candeur. Oh, rien sentir. Inconscient minéral. Que le moindre désir. Plus de peur, ni de mal. C'était Gérald de Palmas avec le titre « J'en rêve encore » sur RGM. Il est presque 8h54 et c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Avant de se quitter, on fait un point complet sur ce qui vous attend aujourd'hui. À 9h, ce sera « Clip Clap, on tourne ». À 10h, la rediffusion des « Oreilles du monde » avec Flo. À 13h30, la rediffusion des coups de cœur d'Aurélien. 15h, salut les 60 avec Gérard. 18h, l'heure des loups avec Lou. À 20h, le calendrier de François. Et nous, on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Excellente journée à tous.